Les deux compagnons de Robert de la Villervé, enregistré pour LibriVox.org. Il ne m'avait pas dit son nom, mais je l'aimais plus que moi-même, car c'était un bon compagnon. Il ne m'avait pas dit son nom. M'en étais-je enquis? Ma foi, non. Qu'importe, après tout, quand on aime. Il ne m'avait pas dit son nom, mais je l'aimais plus que moi-même. Un jour de tristesse, il me dit « Ami, nous vivions bien ensemble, mais à présent c'est interdit. » Un jour de tristesse, il me dit « Que veux-tu? Le destin maudit, frère de la mort, lui ressemble. » Un jour de tristesse, il me dit « Ami, nous vivions bien ensemble. » Il se tenait droit sur mon seuil, et chagrin, il baissait la tête. « Frère, ai-je blessé ton orgueil ?» Il se tenait droit sur mon seuil. « Non, mais tu m'as fait bon accueil, et chaque jour fut une fête. » Il se tenait droit sur mon seuil, et chagrin, il baissait la tête. « Si je m'en vais, frère, dit-il, reçois un ami plus sévère, c'est lui qui me jette en exil. Si je m'en vais, frère, dit-il, c'est que déjà meurt ton avril et qu'est vide mon dernier vers. Si je m'en vais, frère, dit-il, reçois un ami plus sévère. » Et cet ami dont il parlait vint. Il était d'allure grave, vêtu de noir comme un valet, et cet ami dont il parlait lui dit « Fais-moi place, il me plaît d'affranchir ton joyeux esclave. » Et cet ami dont il parlait vint. Il était d'allure grave. Tous deux je les interrogeai, ne comprenant pas ce mystère dont mon cœur était ravagé. Tous deux je les interrogeai, en moi rien n'était-il changé? L'un riait, l'autre était austère. Tous deux je les interrogeai, ne comprenant pas ce mystère. Toi qui t'en vas, quel étais-tu? Quel es-tu, toi qui prends sa place? J'étais durement combattu. Toi qui t'en vas, quel étais-tu? Il tournait son bonnet pointu. L'autre restait froid comme glace. Toi qui t'en vas, quel étais-tu? Quel es-tu, toi qui prends sa place? J'étais la jeunesse et je pars. Je suis la sagesse et j'arrive. Dehors luttaient les vents épars. J'étais la jeunesse et je pars, car l'orage de toutes parts gonfle les vagues sur la rive. J'étais la jeunesse et je pars. Je suis la sagesse et j'arrive. Fin du poème, enregistré par Ezoie en Belgique en août 2013. Cet enregistrement fait partie du domaine public.